Un bébé éprouvette. Un bébé éprouvette. Un homme éprouvette. Un homme éprouvette. Tu viens en costume d'éprouvette tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on étudie aujourd'hui? Bonjour, bonsoir, bonne nuit à tous. On est là aujourd'hui. C'est vrai qu'on est là, on est présent. Là. Hein. Physiquement, regarde, là je te touche. Là, là tu existes. T'es là? Oui, je t'es pose. Là oui, attends. T'es là? Oh. Qui? Attends, qui suis-je? Allô? Sous les sunlights, des tropiques. Oh. Allez, Gilbert Montagnier. Exact, bien joué. Bien vu. Qu'on l'embrasse. Enfin, bien vu. Qu'on l'embrasse. Bien, bien vu. Bien vu. Eh, t'as déjà vu la femme de Gilbert Montagnier? Non. Eh bah lui non plus. Non, on est là aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Bonne Franquette, mais ça vous le savez, vous êtes sur la chaîne, vous savez ce qu'on fait. Du même nom, hein, éponyme, voilà. La chaîne éponyme. Et pour ce nouvel épisode, on est notre là. Notre grand retour, ça fait... Mais putain, j'arrête pas de dire, mais punaise déjà, on est là. Il y a des enfants qui nous regardent, hein. On reste une chaîne quand même... Purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. On est là avec une personne... exceptionnel, ma foi, c'est vrai. Qui est là exceptionnellement sur ce podcast, cet épisode-là uniquement, pas sur les autres. Mm-hmm. C'est toi. C'est moi-même. Merci à tous. Oui. Merci à tous. Quentin et Crepon, hein. C'est de du nom éponyme. De ma constitution. Du même nom. De ma constitution. Ouais. Voilà, c'est mon nom, c'est mon appellation. Je dirais même que c'est, pourquoi pas, ma raison d'être. T'as raison d'être, t'as raison de vivre. Exact, mon prénom, voilà, tout simplement. Je suis à la recherche d'un partenaire qui serait un petit peu spécial, unique, on peut dire particulier, voilà. Ou est-ce que tu l'aurais pas trouvé et il serait pas juste assis à côté de toi? Non. Pourquoi? Bah, regarde bien, ouais. Genre, regarde autour de toi. Ok, ouais. Tu vois quelqu'un? Bah, oui, il y a toi, mais c'est toi. Ouais. Hein. Et donc, cette personne spéciale et unique, c'est la personne à côté de toi, donc... Ben non, mais il n'y a que toi, en fait. Donc... Non, c'est... Mais je rigole, bien sûr, que c'est lui, voilà. Oui. L'homme si spécial, unique, qui fait un maximum de bruit, voilà, bien sûr. Oui, bien sûr. J'ai emmené des clés, en fait, pour qu'on passe à un bon épisode de podcast. Ah, parce qu'on fait de la ASMR de métallurgie, hein, on le rappelle. Bien sûr, donc tous les bruits de métaux, par exemple, comme t'as quoi. T'as du métal sur toi? J'ai aucun métal. Moi, j'ai du méthane, regarde, mais regarde, c'est dans regarde. Mon cul. Hein. Rapport au P, hein. Oui, les gros P. Voilà. Ça, ouais. Ça, aucun autre podcast au monde le fait, d'accord? Ouais. Qui a déjà entendu un bruit de laser sur un micro? Non, mais attends, je pose la question. D'ailleurs, mon chat là-bas est dans le noir, me regarde, j'ai peur. Hein. T'as vu, on voit juste ses pupilles qui s'illuminent. elle est en plus, elle est dans le. Je suis en sueur. T'as chaud là. Elle est dans le. La seule pièce où elle a arraché la tapisserie. C'est vrai. À un seul endroit en plus. Et après, elle a arrêté. Du jour au lendemain. Les chats sont... Et c'est pas en l'ayant engueulé, en lui disant non, tous les jours qu'elle a arrêté. Pas du tout. C'est à son bon vouloir. À sa propre initiative. Non, mais elle ne réagit à aucune règle. Elle n'est soumise à aucune espèce aucune de... pression sociale. Voilà, c'est un peu comme le coronavirus, finalement. Voilà. Qui, moi, me hante à l'heure actuelle un petit peu, je dois moi, dire. Moi, pas du tout. Moi, c'est je dois vrai? Dire que je vis au jour le jour comme s'il n'y avait pas une épidémie mondiale qui pourrait tous nous tuer ou décimer la moitié de la population de la une planète. Une pandémie. Utilisons le lexique pathogène le terme. Qui convient. Bien le sûr. Le terme. On est quand même sur un podcast scientifique. Oui, voilà. On est quand même le premier podcast en termes de médecine. Bien sûr. D'ailleurs, anecdote. Saviez-vous que le cœur bat plusieurs fois par minute? Entre, ça vacille entre 50 et 70 au repos, au bas mot. Et voilà, vous avez cette information. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est gratuit. Ça, voilà. C'est pour nous, c'est pour nous. Ouais. Mais d'ailleurs, petite anecdote, mais t'as failli devenir laborantin finalement. Que se passe-t-il? J'ai failli devenir laborantin, c'est dingue. Rien que le nom du métier, un laborantin. Non, tu dis scientifique. Ouf, chimiste. Chimiste, c'est stylé. Un éprouvetteur tout au plus. Un bébé éprouvette. Un bébé éprouvette. Un homme éprouvette. Un homme éprouvette. Tu viens en costume d'éprouvette tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on étudie aujourd'hui? C'est quoi un costume d'éprouvette? C'est être dans un bocal en verre? Ouais. Avec un bouchon dessus. C'est ça. et avec un nom de virus autour. En l'occurrence, ça serait Vincent. Oh, la même blague. Yes. Piou, piou. Bah. Piou, piou, piou. Non, mais tu tires sur la concurrence. Ouais, c'est vrai. Non, le coronavirus, d'où cette couleur un petit peu verte, celle du biohazard. De la maladie. Bien sûr. De la quarantaine. Alors d'ailleurs, par contre, un autre virus qui se répand à l'heure actuelle dans tout Strasbourg, c'est pas le coronavirus, mais c'est la musique de Larry. Voilà, ah, oui. Exactement. J'ai eu le plaisir de commander, où est-elle ? Là, l'édition. L'édition Cité Blanche et l'édition Strasbourg. Donc deux CD. D'ailleurs, il y a un peu une douille parce que sur l'édition Strasbourg, normalement, on est censé avoir deux titres bonus. D'ailleurs, il y a écrit édition spéciale Strasbourg, bonus, Freeberry 5 et Tuba. C'est les titres qu'on retrouve sur Spotify. Donc, c'est-à-dire, en fait, en quoi sont-ils inédits ? Après, tout le monde n'a pas Spotify. Oui, mais par exemple, si tu prends l'album de Nekfeu qui s'appelait Feu, tu vois, il avait fait un morceau qui s'appelait Au cœur du G, un truc de R&B un petit peu... mélancolique. Comme à son habitude. Non, plus érotique, tu vois. Il avait fait un jeu de mots. Le toit est en feu. La chaleur dans le foyer qui met le toit en feu. Le feu est en toi. Donc le feu de la passion. Mais le feu n'est que feu en toi directement. Dans la chaîne. Donc vraiment lourd. Toute sa... Toute sa... Toute son écriture. Toute sa plume habituelle, bien sûr. Donc voilà, Larry qu'on supporte, bien sûr. Premier gros artiste strasbourgeois qui fait bouger les choses. On est là. À Stras, bien sûr. Ouais. Il est là, très bien entouré, il a bien raison. Et d'ailleurs, à l'heure où on tourne, on est... un jour avant un concert de rue. Voilà, en plein air. De rue. Ce qui sera demain, le 1er février 2020. Où on est convié avec Lisa et moi-même à faire des photos et des vidéos pour sa team. Et puis toi, on se présentera, puisque tu n'as jamais eu l'occasion de les rencontrer pour l'instant. C'est vrai. Donc voilà, gros événement. De toute façon, Larry, c'est vraiment un bon gars. Même toute son équipe, des gens incroyables. Larry, c'est le frérot. Oh, à minima, c'est quelqu'un de confiance. Voilà. Un gars sûr, on peut dire un gars sûr. Et là, il y a un chat. Un chat. Un chat. Transporte-t-il le coronavirus ? Bah, c'est bien la question. Le coronavirus, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les solutions, Vincent ? Bah, écoute, pour moi, elles sont très simples. On les a listées tous les deux hein, dans un carnet. Alors, moi, j'en ai une, déjà, d'ores et déjà. Oui. On lui dit stop. On lui dit stop. Alors on lui parle, tu vois. Ouais. Parce que c'est très petit, tu vois. Et j'avais pensé. Ouais, mais on lui dit par stop. Par contre, je suis en train de parler. Donc ouais, non, mais je veux dire. Non, non, mais tu me laisses pas. On lui dit stop, stop ou. Non, mais tu me laisses finir, en fait. Ou stop. Stop, S-T-O-P-E, en fait. Ah, alors, moi, stop. Alors, stop. Alexander Stop. C'est qui ça encore C'est un nom que j'ai inventé. C'est vrai ? Oui. Ah, pour une fois que c'est pas un footballeur. Un footballeur. Un footballeur. Un footix. Un footeux. Un footballeur. Un football. Non, voilà. Et donc, en fait, l'idée, oui. Ça serait que, tu vois, les talkie-walkie, oui. On les miniaturise. Ok. Genre très petit. Ouais. À l'échelle petit, en fait. Tu vois, oui, très petit. Genre, tu vois ça ? Genre plus petit que ça, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, on l'injecte dans le sang des personnes malades. Oui. En l'allumant, bien sûr. Donc bien sûr. Faut faire attention, faut bien le charger avant. Tu vois. Bah, en général, faut l'allumer avant de l'appuyer. Avant, bien sûr. Évidemment. Sinon, c'est compliqué. Et pince à épiler, ouais, un truc. Ouais, même comme c'est très petit, il faut plus qu'une pince à épiler. Il faudrait plus même une sorte d'aiguille ou un truc. Enfin, bref. Ouais. Et donc, on reste bien sur le bon canal. Oui. Alors, je préconise le 3 ou le 4, parce que généralement, le 1, celui par défaut. Ouais, le 5. Ouais, il peut y avoir des parasites souvent. Hein, sur le 1, voilà. S'il y a plusieurs talkie-walkie dans le même. Ce serait dommage qu'on parasite. Le parasite. Oh alors, non, mais, alors, j'adore les blagues. Yeah. Si en plus on regarde le film Parasite. Oh bah alors là, le non, parasite, attends. Il dirait je suis parasité ou quoi ? Je suis parasité, qu'est-ce qui se passe là ? Bah alors. Enfin, voilà, quoi. Il parle comme ça. Il parle comme ça, bien sûr. Et du coup, on dirait Partokiwalkie. Alors faudrait inventer une langue virus. Ouais. Pour qu'il puisse nous comprendre et on lui dirait. Bah d'abord, il faudrait arrête. Peut-être échanger avec lui pour savoir comment on se comprend. Moi, je pense qu'on négocie pas avec les terroristes dans ce ouais. sens. Voilà. Je veux dire, le corps humain, tu l'aimes ou tu le quittes en fait, finalement. C'est vrai. Non, mais t'as raison. Après, moi, j'avais peut-être une autre idée. Ah, je t'écoute. Ce serait d'aller dans un sas et pas un sas de décompression, un sas pour être en quarantaine, non. Plutôt un sas où on danserait la salsa. Bien sûr. Bien sûr. Et là, on pourrait, à la manière de Gambi, écarter comme ça. Hop là. Hop là, on écarte le visuel. Attention, attention, hop. On écarte. Mais alors, ouais. si tu danses avec lui, t'as pas peur qu'il s'enjaille et que... il ne veuille plus te quitter. A fortiori, voilà, il s'installe finalement. Alors, c'est le risque, mais en fait, dans ces cas-là, on préconise de danser mal. Faut lui marcher sur les pieds un peu... Quand tu le fais tourner, tu le rates un peu, tu vois. Ah oui, mais ça, c'est gênant parce que, bon, tu vois, certes, il y a le virus qui te regarde, mais il y a aussi toute la smala style globule rouge, globule jaune, ouais, blanc et là, t'es pas à l'abri que eux te quittent aussi. Et là, c'est... Là, c'est le drame. C'est le drame. C'est, tu passes de... voilà. Tout ton sang sort de toi. La musique, 2 minutes 32. Tu meurs à 1 minute 47. C'est sûr. C'est pas sûr. Très worse. Pas très non, worse. C'est vrai. Bon, c'était peut-être pas... Ça serait ouf que la musique fasse vraiment... Je sais pas combien de temps elle dure, mais si elle fait vraiment 2 minutes 32, je suis un génie. Écoute, je vais vérifier ça pendant que tu nous donnes une autre manière de contrer le coronavirus. Alors, j'en avais une troisième. Pour moi, c'est la deuxième, mais vu que toi, c'est 3, 1, plus 2, plus 3. Enfin bref. Ça serait de... Encore une fois, on est dans la miniaturisation. Ah, attends. Mec, c'est dingue. Non. Elle Arrête. Fait pile Arrête. 2 minutes 58. Bon, ça va. Au moins, j'ai les minutes. Donc, 90% des chansons. Ouais. Après, est-ce que tu peux dire la même chose de... Voilà. Après, bon. Et du coup... Non, en fait, je pensais encore miniaturiser, mais cette fois-ci, des bières de la marque Corona. Ok. Ok. Okay. Et en fait, on se bourre la gueule avec le virus, tu vois. Et en fait, il va se vomir lui-même. C'est-à-dire que le virus va vomir... Ok. Ouais. Et il va vomir le virus. Le problème, ce serait pas que comme lui-même le virus va vomir, il va pas vomir un autre virus. Genre, il va vomir la gastro du virus. Donc c'est une gastro encore. Ah, j'avais pas pensé à ça. Bah ouais, parce que ça reste dans ton organisme. Et oui. Ouais, mais l'alcool c'est aseptisant, tu vois. Ah. Donc j'ai le bon espoir que ça lui qu'il soit rabat, oui, et qu'après on soit enfin tranquille en fait, bien sûr. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, par exemple, tu lui mets un bon petit là, tu vois, on a une bouteille de gin là-bas, on se met bien, tu vois, on fait genre, hey, c'est la fête. Ah ici, ouais, quoi, ah ouais, c'est vraiment. En piège, ah, parce que le gin c'est dégoûtant. À une sorte de non, bon après, il faut avoir du goût pour apprécier les bonnes choses de la vie, mais non, ça après, serait une bon, sorte de cheval de Troie. Je parle tu à quelqu'un vois. Qui apprécie les Schweppes tonic, qui est la boisson la plus hideuse que la terre ait connue, mais la boisson la plus hideuse. Oui. Hideuse. Hideuse. Elle est hideuse, c'est-à-dire hideuse. Que physiquement elle est moche, quoi. C'est pour une, c'est la caractéristique non, principale d'une boisson, mec, je c'est qu'elle soit moche. On est scientifique, je parle en termes de scientifique, c'est-à-dire en I2, I. Ah, I puissance 2. Oui. Ok, non. La bon, fameuse, là, ça le molécule du tabio périodique. Le fameux atome, pardon. Tu ne sais pas ce que tu parles. C'est un... Écoute, je fais des lapsus de scientifique. Oui, bien, c'est parce qu'il y a trop de choses. C'est voilà. Ça qui, bien sûr. J'ai vraiment envie de mettre la photo de toi qui fait I2. Parce que c'est une référence à une vieille photo qu'on a fait il y a genre un an et demi, deux ans. Et j'ai pas. Fait une vieille tête. Oh, hein, voilà, mon pote. On s'en remet pas. Il y a un avant et un après. Hein. Exact. Voilà. Petite solution. Oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Alors, attention. Alors, celle que j'ai dit tout à l'heure, bon, c'est dommage, on n'est pas à l'abri, voilà, qu'ils s'enjaillent et qu'ils reviennent. Mm-hmm. Mais là, j'en ai une qui, non, fonctionne. Parce que okay. Là, on essaye de toutes les lister, histoire que les gens aient le choix, quand ils attrapent le coronavirus, de pouvoir utiliser la solution qui leur convient le mieux. Bah, qui est, voilà, c'est finalement c'est la liberté de choix, autant dans le virus que dans le vaccin, parce qu'ils peuvent choper le coronavirus, ils peuvent choper bien l'autre chose, tu vois. Ouais. Donc, choisir le virus, choisir le vaccin, voilà, bon, ça reste une liberté fondamentale de la démocratie, qui, je le rappelle, est notre système de vote mis bien en sûr. Place à l'heure actuelle bien en sûr. France. Bien voilà. Sûr. Bon, après, on essaie d'être un peu sérieux. Écoute, je vais parler en termes scientifiques. Bien sûr. Mais, alors, je suis désolé si ça vous paraît un peu difficile à... Bien sûr. Si ça vous paraît un peu difficile à engranger toutes ces informations qui sont un peu brutes. Emmagasinées. Hein, emmagasinées. Tout au plus, ouais. Hein, vraiment. engrangé, ça veut dire ça c'est la conséquence. Donc en fait, je suis scientifique, pas littéraire. J'entends bien. Si vous avez un peu de mal à engranger ces informations, c'est je l'ai redit, à emmagasiner ces informations, c'est normal. Mais en gros, pour le coup, là, ma solution à moi, c'est de regarder un film de zombies avec son virus posé sur le canapé. Comme ça. Oui, mais c'est microscopique un virus, comment fais-tu ? Parce que regarde, microbe, virus, microscopique en fait. Oui, mais c'est une image, une expression. Ah oui, mais c'est trompeur pour les gens. Ouais, mais j'essaie de vulgariser nos termes scientifiques. Non mais d'accord, mais vulgarisation, mais efficacité. Bon, bah d'accord, je vais en aller à l'essentiel et je vais parler en termes scientifiques. Et français surtout, c'est ce qu'on attend de quelqu'un qui fait une démonstration à Unima sérieuse. Après bon, oui. Non mais imagine nos confrères là à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils sont là au laboratoire, mais ça, les laborantins. Qui nous regarde. Écoute, nos laborantins sûrs d'ailleurs. J'ai plus l'habitude d'écrire des thèses, moi, d'être seul chez moi, au calme et à réfléchir à ce que je dis. Là, on me prend de court parce que le virus prend tout le monde de court. Donc, je fais une conférence, je veux bien la faire, j'ai les solutions, qu'on m'écoute un petit peu et qu'on passe un petit peu au travers de ces choses littéraires qui ne sont que des parasites par rapport à mon message. Ok, très bien, d'accord. D'accord. Enfin, tu parles de « je suis créateur de thèse ». La dernière que tu as faite, c'est quand même « les chaussettes pour ou contre ». Bon, après... Après, je ne te permets pas de juger. Qui es-tu pour juger ? Je suis plutôt team chaussettes aussi, tu vois. Oui. Bref, bon, cela dit, scientifiquement parlant, c'est... Ça se pose là, quoi. Au moins, moi j'en ai fait des thèses. C'est vrai. Toi, t'as fait quoi, peut-être ? Des livres audio ? J'ai fait des bouquins. Oui. Premier numéro 1 des précommandes Amazon, tout ça. Ouais. Donc, bon, voilà, c'est des super choses. Ah ouais. C'est chouette, ça se lit comme du petit lait. Par contre, on dit ça se lit comme des petits pains. Ouais. Ah, pardon. À tous les boulangers qui nous regardent. Pardon. C'est pas mon métier. Hein. Donc, franchement, je suis désolé, mais je m'égare. Non, c'est vrai. Tu te ridiculises un petit peu là pour le coup. Hey, shame on me. Pardon. Ce n'est pas les bons termes. Yes. Non, mais ce que je voulais dire. La mitochondrie. Ce à quoi je voulais en venir, c'est qu'on regarde un film de zombies. La levure. Avec son virus. Une composante. Son virus. Chimique, organique. Son virus domestiqué. Il faut avoir appris à vivre un peu avec. Et aide. Et regarder le film. Un aliment. Lui le verra à travers vos yeux. C'est-à-dire que le virus se mettra Pour l'instant, c'est le podcast le plus insupportable. Mais je l'adore. Et les fondements scientifiques sont là. Moi, je pense que si quelqu'un a quelque chose à redire, après, je pourrais qu'il aille se faire. Oui, bien sûr. Les pros ici sont quand même nous, donc voilà. Je vais finir du coup ma solution. Hein, oui, ta merde. Là. Une fois que vous avez lancé le film, qu'est-ce qu'il va se dire le virus ? Il va vouloir voir le film aussi. Il se dit. Un peu de spectacle, on s'ennuie ici à côté des globules blancs. Oui, bien sûr. L'estomac, on se fait chier. Il va venir au niveau de vos yeux. Alors, il ne faudra pas que vos proches s'inquiètent. Hein. Vos yeux seront violets, en fait. C'est la couleur du coronavirus. OK. Mais surtout, les proches, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous regardez un film, le virus veut le voir, il va au niveau de vos yeux, c'est normal. Vous regardez un film de zombies et vous lui dites clairement. Voilà ce qui va se passer si tu continues ta merde. Et il mais va si voir il est fan de films de zombies. Non. Ah, qui... Non, mais attends. Non. Là, on a un problème. Non. Si, bien non. sûr. Dans ta thèse, il y a un problème. Dans Je ton peux pas vous laisser dire ça. Dans ton hypothèse, il y a un problème majeur. Ben... Parce que peut-être que ton virus, c'est Brad Pitt dans World War Z. On a Brad Pitt. Ton virus a la tête de Brad Pitt. Ah! On a zoomé sur ces merdes-là. Et quelle ne fut pas notre stupéfaction de voir le visage de Brad Pitt. Bon alors, ne faites pas cette solution, ça va ne faire qu'empirer. Voilà. Choses. Celle-ci, je pense qu'on peut l'oublier. On en a déjà proposé ouais. trois. Ouais, il y en a déjà trois. Voilà. Après, toi, t'en as encore une ou pas ? Parce que, bon, là, si on en a trois, c'est peut-être un peu léger. Moi, j'ai celle de la flemme et finalement de dire, allez... Bah, en fait, moi, j'en avais d'autres. Fume-moi, virus. J'en avais d'autres, mais malheureusement, elles nécessitent d'avoir déjà un yacht. Ok, donc ça élimine une bonne partie de la population déjà, ouais, donc, tous les pauvres et la classe moyenne. Ça, je vais le faire dans un... En fait, j'ai envie de cibler notre... enfin, mon public et gagner un peu d'argent, du coup. D'accord. Ça, je le ferai dans une autre vidéo qui sera accessible seulement en payant. Mm-hmm. Et je me dis... parce que, non, mais je comprends. Comme les riches ont de l'argent, hein, c'est le principe des riches. Bien sûr. Ils voudront écouter la solution et avec là, leur yacht, donc ils seront prêts à mettre le billet. La logique même. Donc voilà, je vais m'enrichir. Après ça, tu couperas au montage. Hein. Non, mais je pense que après les riches, c'est une mentalité business, tu vois. Oui. Donc si toi, t'apportes un contenu de qualité pour un prix qui est, j'imagine, correct. Bien sûr. Voilà. On est, on ne compte pas pour sa survie finalement. Ah, on dépense sans compter. C'est 200 000 euros la vidéo par vue. Franchement, ça va. Imagine Jeff Bezos veut l'acheter. Bah. 200 000 euros, c'est quoi pour Jeff Bezos finalement ? Pour quelqu'un qui a un yacht, 200 000 euros, c'est rien du tout. Non, mais on est où en fait ? J'ai envie de dire, est-ce qu'on en est vraiment à compter 200 000 euros ? Non, mais attendez, personne ne se pose la question, ils ont déjà acheté. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc en tout cas, visiblement, ceux qui vont s'en sortir sont ceux qui sont soumis à l'ISF en tout cas. Qui ont de l'oseille. De fou. Donc, et qui me le donnent. Moi, je suis pas contre. Oui, mais si, parce que en fait, tu peux pas emporter ton argent dans la tombe, vois-tu ? Ouais, bah justement, c'est en fait ce que je dis, enfin ce que je dis à la fin de la vidéo, mais ce sera pas trop spoilé, mais en gros. Ah, donc là, on a du contenu exclusif. Du contenu exclusif. Parfait. C'est que en fait, à la fin de la vidéo, j'explique que il faut m'ajouter dans son testament en disant je lègue tout à Vincent Weigel, et là, c'est sûr, on le chope. Quand on l'a, on ne meurt pas. 100%. C'est l'une des solutions les plus radicales. Mais c'est dû à quoi le fait que cette clause. Enfin, je veux dire, c'est aux yeux de quel notaire ? Bah, c'est scientifiquement prouvé. Ah oui, mais bon, là. Enfin, il faut des sources pour affirmer ça. Écoute, je suis quand même un homme de science. Oui. Les gens me font confiance. J'ai un doctorat sociologie. Qui est la science ? Oui, c'est une science, mais c'est pas la science des virus. En sociologie de la science. Donc, la scientologie ? La scientologie, oui. La scientologie. C'est exactement ça. Ok. Ouais. Donc, plus pro-secte. Pro-secte, oui. Attends, de quoi Non. Je comprends pas. Vous avez l'air troublé, monsieur le laborantin. Écoutez, vous me... Que se passe-t-il ? J'ai peur mais, que... c'est... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites ? Attendez. Je sais, en vrai, t'es peut-être hors champ, là. Attends, je vais vérifier. Non, c'est bon ? Non, t'inquiète. T'es en train de faire quoi, en fait, là ? Je me suis posé comme je me pose devant mon ordinateur pour travailler. Ça, c'est la position de travail, ça. Ce qui fait que j'ai des problèmes de dos. Ouais. Bon, au moins, tu travailles, ce qui te permettra de payer les soins. Kiné et autres soins. En travaillant, je me dis. Pour problème de dos. Ah, j'ai hâte de plus avoir de problèmes de dos. Hein. Vraiment, c'est ça, le full cycle again. Hein. C'est tout le temps la même chose. Hein. Ah là là. En tout cas, j'espère que nos solutions vous ont plu. Quentin, lui, est quand même très. Comment dire, dans l'information par rapport à ça, à l'évolution de ce virus. Je me tiens beaucoup, à jour, beaucoup au courant, ce qui fait qu'il devient complètement parano finalement. Après, c'est pas non plus parce que tu sors plus de chez toi, que tu coupes contact avec ta famille, tes amis, que tu te fais livrer tes courses via Amazon. Par Amazon, que t'achètes des masques FFP3 qui sont les seuls avec les FFP2 qui marchent parce que les FFP1 ne marchent pas du tout. Ça, on le rappelle bien sûr, attention. Hein. ils commencent à être en rupture de stock. D'ailleurs, ça engraine un maximum d'argent pour toutes les sociétés qui sont biopharmaceutiques. On a pu le voir avec la bourse, je regarde un petit peu, les courbes sont absolument fantastiques. On est sur le haut, l'investissement. Ah, on est sur quelque chose qui est un point culminant. Pharmaceutiques, elles sont pharma-mineuses. Non. Okay. C'est le jeu de mots est là. Franchement, le jeu de mots est là, mais ce n'est pas français. Ça marche pas. Donc voilà. Non, mais franchement, effectivement, je me renseigne sur ce satané coronavirus. Et bah, je, alors, bon, j'étais bien au courant que l'alcool était un fléau, mais à ce point-là, c'est quand même assez chaud. C'est, ouais. qu'on donne un nom. En vrai, je vois pas tellement de gens boire de la Corona. Moi donc, à partir de quel moment ça devient si dangereux? Et je me dis, pathogène surtout. Quand on sait tout ça, pourquoi boire de la Corona du coup? Je sais pas. Ce qui aurait été marrant là, parce qu'avant on a vu des Heineken. Ce qui aurait été marrant, c'est de boire une Heineken et dire bah, je sais pas. Je sais pas pourquoi l'alcool. Exact. Pourquoi l'alcool? Bon, j'avais juste envie de faire une parenthèse, mais. Ouf. En charentaise. En charentaise, toujours. Les parenthèses, c'est toujours ça. Le confort. J'ai, comme vous le voyez, pas mon micro bleu. C'est vrai. Car je suis un imbécile et que j'oublie finalement de prendre mes affaires. Le micro est chez moi, bien installé. Tu as eu une grosse journée à base de réparation de voiture. Exact. Donc, c'est pas être partout. Qu'on se méprenne pas, c'est pas moi qui répare les voitures. Car la mécanique, très peu en moi, c'est vraiment l'arbre de compétences. Mécanique, c'est moins 1. Moins 1 ? Ils m'ont enlevé. Tu abîmes la voiture. Ah oui, moi je fais que les abîmer et les réparer très peu. Peu pratique. C'est peu pratique. Bon, après, quand on parle de voitures abîmées, il y en a qui sont assis ici qui pourraient peut-être se sentir concernés. Encore une fois, je ne vois pas de qui tu parles. on est que deux. Enfin. Je parlais de toi, en fait. Ah, c'est une blague sur ma Clio 2. Oui. Qu'on a déjà taclé maintes et maintes fois, bien sûr. Le running gag. Ah. J'espère que vous n'aviez pas de cast. Non, mais mon chat a eu peur, je crois. Mais en même temps, elle a peur de tout. Oui, effectivement. Bah, ça, c'est le coronavirus. Elle a peur du coronavirus. Ça, c'est... Quoi ? Elle le repère, le coronavirus. Ah ! Voilà. Elle le griffe ? C'est une des solutions aussi. Bien sûr. Griffez-le comme ça. Ta mère, viens de merde. Voilà, c'est à peu près. En crachant, genre. Ça marche bien. Moi, je vois les médecins faire ça à l'heure actuelle au CHU de Strasbourg. Oui, bah oui. 100% de taux de guérison. 200% incroyable. De Cette taux de guérison. C'est folle. Il y a des gens qui sont rentrés, ils étaient même pas malades. Ils sont rentrés guéris. Waouh. Ils étaient même pas malades, ils sont rentrés guéris. Et autre chose, il y a des gens qui sont venus avec d'autres problèmes, style une jambe en moins, des trucs comme ça. La jambe qui repousse. Grâce au coronavirus. Et un peu mon neveu. Au rage, au désespoir, ô vieillesse ennemie. Qu'ai-je donc tant vécu pour vivre cette infamie? Mais c'est pas Homer quelque chose? Homer, Simpson, oui. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Pas du tout. Non, ça, c'est vraiment un truc de geek, là. Bon, moi, je comprends pas. Bah, moi, je m'en fais pas trop pour le coronavirus. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi ? Je me dis que, comme je mange rarement des soupes avec Batman dedans. Bon, je tiens quand même à préciser qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si c'est réellement ça. Je sais que c'est une blague par rapport à... Si vous êtes sur Twitter, vous avez forcément vu la vidéo de la chauve-souris dans son jacuzzi, là. Fait honte à la gastronomie française. Le truc, c'est qu'on peut difficilement juger dans le sens où... encore, j'ai vu une autre vidéo absolument ignoble d'un gars qui mangeait un souriceau vivant. Avec drogué. Il le trempait, un chinois. Trempé dans l'huile, trempé dans l'eau. Dans le chaud et hop là, dans le gosier, tu vois. Et qui mâche ça. Tu vois. Encore une chauve-souris cuite, machin et tout. Bon, pourquoi pas, chaque peuple a sa culture, tout ça. Culinaire. Mais manger vivant un souriceau. En fait, j'arrive même pas à manger une huître. Alors que c'est vraiment le truc, c'est un mollusque, ça ressemble à rien, tu vois. Tu sais même pas si c'est vivant, c'est là, c'est... On dirait un chômeur, bon, qu'est-ce que c'est ? Il y avait une fille qui avait mangé un truc... Ah oui, l'espèce de coquillage dégueulasse. Coquillage là. Qui est un peu en forme de... De tab, de on peut le dire. Clairement. C'est un pénis, hein. Pénis marin, on l'appelle le pénis marin. Genre, elle l'a croqué au bout, ça a giclé. Ouais. Oh, quelle horreur. C'est... Ouais. Non, mais après, bon, encore une fois, j'essaye d'être tolérant avec mais les pratiques. Là, vraiment, mais il y a les trucs, en fait. Surtout que la plupart du temps, quand c'est consommé là-bas, c'est pour des soi-disant vertus thérapeutiques et guérisseuse telle le coronavirus voilà par exemple non mais une libido de fer des érections instantanées mais bon finalement en fait c'est, tout ça n'est que tromperie et on se retrouve avec des gens qui mangent des sourisseaux vivants donc bon ouais. Mais ouais du coup à l'heure actuelle on sait toujours pas trop d'où vient cette merde, c'est assez inquiétant je dois dire. Parce que bon, c'est très compliqué d'essayer de cerner un virus. On n'a pas de patient zéro. On ne sait pas réellement d'où ça vient. On sait que c'est en train de muter. C'est quoi un patient zéro ? C'est le premier. Le tout premier, ouais. Et du coup, grâce à lui, on peut remonter à où est-ce qu'il est allé, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a transmis. Ah là, on ne sait pas. Là, on ne sait rien. On ne sait pas du tout. En fait, parce que la période d'incubation est tellement longue que, comme il y avait déjà plein de gens infectés, exactement. On n'a pas su. Exactement. Et en plus, si je me souviens bien, dans l'historique de la maladie, ça aurait commencé genre début décembre, un truc dans ce genre-là. Et effectivement, la période d'incubation est de 2 semaines. Ce qui veut dire que déjà en un seul mois, quand ça a commencé à... Oui, le chat. C'est vraiment n'importe. Je suis sûr devient... que le plus gros gangster ultra hardcore badass du monde devient une crème. Chez lui, avec son chat. Avec un chat ou un chien, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ils apaisent les mœurs. Oui. Après, si vous êtes un connard qui abandonne des animaux, bah partez. On veut pas vous voir sur cette vidéo. Encore une fois, à chaque fois, on a ce truc de partez, tu vois. Partez. Ouais. C'est allez vous faire enculer en fait directement. Tout simplement. T'as donc pété. Non, c'est le cuir de la chaise. Non. Bah allez, arrête. Ça pète, ça pète. Ça pète. Ah là là. Bon après, c'est pas moi parce que tu sais, on a une conversation Facebook. Oui. Avec chacun des pseudonymes spéciaux. Oui. Je rappelle que le tien, c'est le prouteur fou. Quoi ? Je m'appelle comme ça ? Arrête. La conversation avec Roberto ? Non. Sur laquelle ? La nôtre, juste toi et moi. Ah ouais ? Oui, tu t'appelles le prouteur fou. Moi, je ne sais plus comment je m'appelle. Tu t'appelles le prouteur fou. Donc, ça veut dire que. Visiblement, le si nom n'est pas usurpé. Une conversation sérieuse. Et que je t'envoie. Oui, mec, j'ai fait une analyse de données confidentielles, machin. Tu verras d'abord le coronavirus. Le prouteur fou vous bien a écrit. Mais tu sais que c'est pour ça que je peux pas prendre au sérieux tous les messages que tu m'envoies. Quand tu m'envoies 20 messages de ta journée avec ton chat qui se chie dessus, qui en met partout, etc., j'ai pas de peine. Parce que le prouteur fou. Tu vois. Mais change ce pseudo. Tu pourrais me dire Spider-Man. Mais un truc, je sais pas, unique, genre Spider-Man. Au hasard. Attends, je sais même pas comment moi je m'appelle, je vais regarder. Toi, tu t'appelles... Attends. Henri ? Non, attends, ça c'est sur autre chose. Je m'appelle... Même Lord. Et toi, c'est le prouteur. Le crooner. Le crooner. J'ai une voix de crooner, chéri. Je vais te la mettre, tu sais où. Déprimé de joke. C'est pas ça. C'est les déprimés de joke. Enfin bref, je suis extrêmement fatigué, je suis désolé, on tourne ce podcast, il est minuit une à l'heure actuelle. Exact, je suis venu à 18h pour tourner, bah on a mis un certain temps. Hein, oui, bon cela dit, on a eu, je trouve une conversation intéressante. Voilà, très enrichissante, professionnellement. Oui. C'était très cool, je pense qu'en plus il fallait la faire par rapport à divers projets et tout. C'était cool, c'est bien de faire des blagues, mais c'est important aussi de savoir se recentrer et de parler des choses qui sont importantes. En plus, en face à face, tu vois pas le prouteur fou a dit machin. Voilà, donc j'aurais eu plus de mal à te prendre au sérieux. Oui. Le prouteur fou a dit oh, j'en ai marre, tu pourrais être plus sympa avec moi. Bon. Elle va péter plutôt. Elle va péter ailleurs. Prends TP et va. Non mais bon. Non mais voilà, on fait un épisode un peu plus court que d'habitude. Voilà, c'est chill, tranquille. Et encore une fois, je suis excessivement crevé. Pourquoi ? Car j'ai fait une nuit blanche avant-hier pour finir un clip. Et cette nuit, j'ai essayé de dormir. Je n'ai pas réussi avant 6h. 6h du matin. Ce qui, en soi... Pas une heure bien pour forcer à dormir. Ça n'aide pas à être reposé. On va pas se mentir. Non, mais c'est bien. Il se rend compte que son appartement... Mon appartement me veut du mal. Puisque vous voyez peut-être les stores derrière vous qui sont presque fermés. Mais presque fermé ne veut pas dire fermé, puisque s'il les ferme complètement, il reste se bloque. Du coup, je suis dans le noir. Dans le noir complet. Et du coup, il ne les ferme plus complètement et il y a une lumière très forte à l'extérieur qui plonge son appartement en plein jour pendant la nuit. Bien sûr. Ce qui n'est pas facile déjà. Pour s'endormir, effectivement. Plus derrière vous. Il y a le frigo. Si vous vous retournez. Attends, s'ils se retournent, ils verront l'arrière. Vous n'avez qu'à essayer. On n'est pas aux parents, merde. Essayez un petit peu. Là. Essayez. Retournez-vous. Bon, évidemment, ça ne marche vous pas. Voyez c'est le une frigo. Vidéo, en fait. Bien pas, sûr. Ne soyez pas con. Mais... il y a un frigo qui fait un bruit impossible. Bien sûr. De... Cet homme dort avec un casque à réduction à de bruit. À l'heure actuelle, je suis obligé. Un bandeau autour des yeux. Car sinon, je ne peux pas dormir. Je suis chez moi. Et j'ai l'impression que je prends l'avion. C'est abusé, genre. Parce qu'en plus, c'est... on rajoute à tout ça un chat très mignon, soit. Qui est très mignon, mais. Qui donne mais... extrêmement chaud. Voilà, et qui vient j'ai déjà un corps qui émet une chaleur assez importante. Toutes mes ex pourront en témoigner. Mais si on couple ça avec un chat qui est adorable, certes, normalement, vous la voyez là au fond. Nexi! Elle a vraiment peur, bon bref. Et elle se cale, elle se blottit entre mes jambes quand je dors, parce que je dors sur le ventre. Et oh. Ça me donne. Une érection. Attends, non. Je ne veux pas savoir ce que tu fais avec ton chat, mais ici on est plus normaux, tu vois. Et vraiment, j'ai ultra chaud, du coup, j'arrive pas à dormir parce que ce putain de réfrigérateur fait du bruit. Là, il y a les diodes de tous les chargeurs, la box, machin et tout. Ça fait 2-3 lumières dans la nuit. T'as effectivement la lumière de l'extérieur entre les... qui rentre là. J'ai envie de dire à un moment, je vais pas m'en sortir. Je peux pas surmonter cette épreuve. Non, mais effectivement... Donc, il cherche un appartement. Voilà. Si vous avez un appartement avec un petit T2, un petit T3... non, F2, F3. Un T3 plutôt, ouais. Ah. Un T3. Donc un appartement avec une chambre ou deux. Bah, et un salon. Contactez-le. Ouais, contactez-le. Non, mais c'est ouf parce que quand j'ai commencé à habiter tout seul à Haguenau, j'avais le même problème. Alors, sauf pas pour la lumière de dehors la nuit. Mais ouais. J'avais effectivement déjà toutes ces loupiottes. Un frigo qui faisait du bruit. Et un frigo qui. Et à l'époque, ça ne me dérangeait pas. J'arrivais à dormir comme un loir. Et plus je vieillis. Plus il faut quand même un certain confort. Et pourtant, tu me connais, j'arrive à m'endormir très facilement. Justement, c'est ce que dans j'allais tous dire. Les endroits les plus inconfortables. Et c'est pour ça que dès que tu viens chez moi, finalement, tu t'endors sur mon canapé directement. Bah oui, parce que c'est. Parce que le son de ma voix me baisse. Est plus reposant que le son de ce frigo. Oh, je suis en train de m'endormir. Non, mais c'est ouf quand même. Ouais, pourquoi j'ai envie de dire à un moment, est-ce que ton appartement essaierait pas de te tuer ? Il y a un peu de ça, je pense. Il y a un peu de ça, je pense. En plus, bon, l'appartement est situé à un endroit très précis qui me pose problème, puisqu'il est entre sur vieux. Sur un cimetière indien, en fait. Non, il y a tous les soirs, il y a des fantômes. Alors là, mon pote. Putain, d'ailleurs, j'ai lu un article sur les extraterrestres. Ouais. Et une des hypothèses, c'était peut-être qu'ils existent vraiment, qu'ils sont totalement, enfin, qu'ils sont déjà parmi nous, pardon, qu'ils sont totalement transparents et impossibles à toucher. Et ouais. Voilà, immatériels, mais qui pouvaient, par exemple, scanner nos ondes cérébrales et tout, agir sur. Parce qu'en fait, c'est une hypothèse qui est plausible, tu vois. En fait, c'est des magiciens, quoi. C'est vraiment Houdini est un extraterrestre. Pour moi, c'est un extraterrestre, bien sûr. Non, mais c'est ouf. Tu peux partir assez loin dans des délires comme ça. Et le truc, c'est que tu peux pas prouver que ça n'existe pas. Alors évidemment, tu peux pas prouver que ça existe jusqu'à preuve du contraire. C'est le principe de la science. Prouver qu'une chose existe ou non. En la vérifiant. Bah, un peu comme de manière quand empirique. Les gens disaient la Terre est plate. Ouais, mais. Est-ce que vous avez peut-être pensé qu'elle pouvait être ronde ? Ronde ! Mais enfin ! Ronde ! Mais enfin, regardez l'horizon. Regardez l'horizon. C'est complètement plat, vous êtes fous. Vous êtes fous. Ok, enfermez-le. Non mais d'ailleurs, tuez-le. J'ai appris un truc. Les platistes croient oui. que la Les terre... platistes, les personnes qui croient que la, que terre, la terre est plate. Pardon. On n'est pas là pour juger chacun. Chacun ses croyances. Pardon. Non, mais les platistes croient qu'effectivement la Terre est plate, mais que les autres planètes du système solaire sont rondes. Alors là, il n'y a pas de souci. La Terre est plate, mais alors toutes les autres, ils seront. Une pizza. Ou alors elles sont projetées sur un dôme géant. Ah oui. Tous les scientifiques de toutes les organisations spatiales du monde sont dans le complot. Et aucun ne vend la mèche sur 8 milliards d'êtres humains. Tu vois, donc pas forcément les scientifiques entre eux, mais il peut y avoir des bribes de morceaux, enfin de conversations qu'on intercepte, oui, bien des sûr. Membres de leur famille qui quelqu'un trahissent. Qui leur dit... rien que dalle. Alors que les leaks sur les nouveaux jeux vidéo, ça directement. Voilà, directement. Ah ça. Des trucs de ouf, des trucs de ouf. On a des projets comme le projet MK Ultra qui a été fait par la CIA avec l'espèce de d'essai de manipulation mentale sur les foules avec la création de LSD. Tu connais tout ça ou pas? Non. Eh bien, écoute, ça me dit quelque chose. C'est une vraie affaire qui a été reconnue par Bill Clinton via des leaks et surtout des déclassifications. Mais effectivement, il y a un projet qui s'appelle le projet MK Ultra. Vous pouvez le taper sur Google et qui a vraiment existé et qui consistait essayer de manipuler mentalement la population à travers notamment des drogues comme le LSD. Et ça passait par exemple par la construction de maisons closes avec des miroirs tu sais, ceux qui sont à double, on peut pas voir d'une pièce à l'autre, mais l'autre pièce peut nous voir. Je sais plus qu'on appelle ça. Des vitres teintées un peu, mais c'est pas ça. J'allais dire des miroirs satin. Non, c'est des miroirs en double. Enfin, je sais plus quoi. Et en gros, du coup, voilà, il y avait des hommes qui venaient pour faire des passes et on leur donnait de la drogue et on regardait en temps réel ce qui se passait et tout. Il y a eu de la privation de sommeil. On a aussi essayé d'hypnotiser des gens, on a fait les caissons, tu sais, hypersensoriels comme dans Stranger Things, et du coup on a effectivement fourni masse de LSD parfois à des gens qui n'étaient même pas conscients qu'on était en train de les droguer. Et c'est une vraie affaire qui a réellement existé entre les années 50 et 70, je me souviens bien, par la CIA. Donc incroyable, absolument incroyable, ouais. Qu'un truc à grande échelle comme ça ait eu lieu, et ça serait potentiellement lié des vitres sans teint. Voilà. Je sais pas pourquoi, je voulais dire des vitres satin. Ouais. Alors non, évidemment, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. Satin, c'est quoi? En fait, c'est une matière, non? Oui, satin, c'est... C'est comme du daim, non? Non, ouais, c'est une sorte de... Comme une sorte de... J'allais dire du velours. Non, tu sais, c'est un... Ouais, un tissu un peu soyeux qui brille, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ok. Ouais. Très compliqué à expliquer. Ce genre de texture, il faut le voir pour comprendre, mais voilà. Et du coup, c'est lié à l'affaire du Pont Saint-Esprit en France, qui est un village où il y a eu 7 morts. À peu près 200 hospitalisations et 5 personnes qui sont restées folles puisque alors, il n'y avait pas du LSD dans la alors rivière à l'heure actuelle on ne sait toujours pas, mais en tout cas ce qui s'est réellement passé, mais l'hypothèse la plus probable, c'est qu'effectivement il y a eu du LSD qui a été lâché sur le houblon, je crois, ou c'était de l'orge, donc la culture de céréales là-bas, et en fait via la fabrication de pain, tout ce qui est farine, tout ça, et la consommation, ça a rendu des gens littéralement fous, en fait. C'est pas un truc d'une vidéo d'Axolot, ça? Aucune idée, ça fait très longtemps que... Bah, ça, il sort plus grand-chose, d'ailleurs, Patrick Beau, là. Ah, Patrick Beau. Malheureusement. Fait des vidéos, Patrick Beau, on adore. Mais oui. Les cabinets de curiosité et tout ça. Franchement, celle où il y a Adrien Méniel qui joue un disciple de Satan en pleine rue, il fait « Ah, Satan !» Après, il le voit, il fait « Ah, salut, c'est Patrick, ça va ?» Incroyable, incroyable. Ah. Adrien Méniel. Je ne suis pas homosexuel. Mais, on peut s'arranger. Mais, je ne suis pas homosexuel. Mais, je te trouve très drôle. Je ne suis pas homosexuel. Mais, j'ai entendu dire que tu faisais des plats succulents. non, voilà, franchement, ça fait partie des gens que je trouve les plus drôles en France. Et si un jour cet homme fait du stand-up... Vincent Riegel. Alors, non. Bien sûr que si. Sinon, on ferait pas un podcast. Voilà. Qui est le plus drôle de l'univers. On le rappelle. Et bien plus encore, si on en croit la théorie du multivers, alors là, on en fait, on est où? C'est le podcast le plus drôle de tout. De même Gérard Jugnot dans l'univers 7, il nous adore. De tout et de rien. Gérard Jugnot de l'univers 7, qui est. Ah oui, tu veux dire un des combattants dans l'équipe de Sangoku? Oui, bien sûr. Dans Dragon Ball Super de l'univers 7, bien sûr. T'imagines un roster Sangoku, Vegeta, Freezer. Piccolo, Gérard Jugnot. C'est... Qui joue un père qui fuit les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, voilà quoi. La France. Ah, voilà, voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour cet épisode plutôt sous le coup, sous le crou, non, sous le signe. Sous le signe de la maladie. Et de la fatigue, on va pas se mentir. Là, j'ai l'impression d'être un peu alcoolisé, tu vois. Ouais, moi aussi. Mais tu sais, quand t'as les paupières lourdes et tout, et que t'es conscient de ce que tu dis, mais tout ce que tu exprimes n'est pas forcément tout ce que tu... Enfin, c'est très bizarre. Mmh. Il est temps de dormir. Ils ont mis du LSD dans notre kebab. Ça, c'est le projet MK Ultra, c'est sûr. Enfin bref, voilà. Prenez soin de vous, faites attention quand même à cette merde de coronavirus, car... On nous ment sur les chiffres, c'est sûr et certain. On ne barricade pas 60 millions de personnes pour 1200 cas de personnes. Mais enfin, bon, bref. On verra bien comment tout ça évolue, mais faites quand même attention parce que c'est extrêmement contagieux. Voilà. On ne faut pas tomber non plus dans la névrose et la paranoïa. Comme cette personne. dont on blaguait avant. Il faut quand même prendre des précautions. On ne sait jamais ce qui se passe. Surtout quand on n'est pas, quand on n'a pas toutes les informations sur le virus en question et qu'il est potentiellement mortel, puisque certains chiffres vont entre 3 et 15% de décès, ce qui est assez important quand même. Donc voilà. C'est vrai. Mais bon, il ne faut pas s'empêcher de vivre. Hein. Donc on garde la tête haute et on profite. Exact. Le mot de la fin, Vincent. Bah écoutez, prenez soin de vous. C'est le plus important. C'est vraiment, vraiment le plus important. Prenez soin de vous, soyez heureux. Voilà. C'est tout ce qui compte. Exact. Faites les choses qui vous rendent heureux et fuck prenez le reste. Un appartement un peu plus grand pour mieux vivre. Mec, j'ai tellement hâte. je me vois déjà dans mon salon. Vu sur la tour Eiffel. Alors là, mon pote. À Strasbourg. Ce qui est fort. Dans la tour Eiffel. Oh. Avec vue sur la tour Eiffel. Oh. Le truc abusé. Alors, en fait, t'as installé un miroir... Exactement. À l'extérieur, qui te montre la tour Eiffel. Et là, je suis fou. Là, je suis vraiment riche. Non, mais ouais, je suis déjà dans mon futur salon, là, sachant que j'ai une chambre qui est loin de la cuisine, loin des loin volets, des loin odeurs, de rien. Loin des juste, je ferme la porte, je vais me coucher, c'est le noir complet. Et je peux dormir. J'ai vraiment besoin de sommeil. Regardez ces cernes. Aidez-moi. Non, franchement, ça fait. Il y a la police dehors, là. Les deux derniers. Elle nous dit rendez-vous, vous êtes cerné. Exactement. Eh, il n'y a que l'insomnie qui a réussi à me cerner. Oh. Ah, c'est gratuit. Allez, on peut s'arrêter sur ça. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Et à la prochaine. Ciao.